Allô ? Le plombier Michel ? Oui. Bonjour monsieur, j'ai une urgence, mon évier est bouché, est-ce que vous pouvez passer dans l'après-midi ? Oui, mais tard. C'est-à-dire vers quelle heure ? Vers 19h. Oui, mais ça déborde presque, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, votre évier déborde ? Presque. Alors il faut couper l'eau tout de suite, bon j'arrive dès que possible. Bon d'accord. Vous habitez où ? Dans le 7e, 28 rue Florilla. Ok. Y a un code ? Oui, le 7840. Et il y a un interphone. À quel nom ? Borion. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît ? Borion. B-O-R-I-O-N.